Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Triou. Une étude parue récemment dans Nature Medicine montre l'importance de l'alimentation pour le développement d'une bonne immunité. Si l'alimentation stimule le microbiote qui lui-même stimule le système immunitaire, quels sont les mécanismes en jeu ? Que l'aliment soit ton premier médicament. Ce principe énoncé par Hippocrate, l'un des pères de la médecine, reste aujourd'hui un adage très ancré. Les aliments miracles, ou les régimes boosters d'immunité, font régulièrement les gros titres, aux côtés d'une autre star médiatique, le microbiote, nos colocataires microscopiques qui influent sur la santé de chacun. Cet écosystème de microbes avec lesquels nous vivons en symbiose est directement impacté par notre alimentation. Alors, aliments, microbiote et système immunitaire, quelle est la recette de ce ménage à trois ? Alimentation et immunité, le bilan de santé. Nadine Serben-Soussan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM, directrice du laboratoire immunité intestinale à l'Institut Imagine, rattaché à l'Université Paris-Cité. Et bonjour Soraya Taleb. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter chaque jour. On vous poste de nombreuses ressources, de nombreux liens sur notre fil @sciencecqfd. C'est pour enrichir votre écoute et ça commence tout de suite. Alors, de quelle façon l'alimentation peut-elle impacter le système immunitaire ? Peut-on réellement parler d'une alimentation qui booste l'immunité ? Un régime alimentaire peut-il être un allié thérapeutique ? Et quel est le rôle de la nutrition dans la prévention des maladies chroniques ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence par décortiquer le fond de nos assiettes. C'est notre archi du jour. Tendez l'oreille, elle grince. Nous sommes en 1949. L'expérience l'a démontré. On sait désormais que, pour le maintien de sa santé, le régime alimentaire de l'homme doit obligatoirement comprendre un certain nombre d'éléments. Parmi ceux-ci, il n'en est pas de plus important que le groupe de substances complexes connues sous le nom de protéines. Ce sont elles qui fournissent l'azote indispensable à la formation des tissus constitutifs de nos organes. Les protéines se trouvent en grande abondance dans la viande, les œufs et le lait, et en moins grande quantité dans certains légumes, notamment les haricots et les pois. Aucune protéine n'est semblable à une autre, mais toutes possèdent un trait commun. Leur structure fondamentale est faite d'une combinaison variée d'éléments cristallins, dénommés acides aminés. À ce jour, 20 d'entre eux ont été isolés et identifiés. De même que les lettres de l'alphabet peuvent, selon leur association, former une grande variété de mots, les acides aminés peuvent, selon leur combinaison, donner naissance à un nombre infini de protéines. Très tôt, la valeur nutritive des protéines a attiré l'attention des biochimistes et les a incités à rechercher lesquels représentaient les éléments indispensables à la nutrition. Ce ne fut donc en 1934 qu'on parvint à classer définitivement, quant à leur valeur nutritive, trois sortes d'acides aminés, le tryptophane, la lysine et l'histidine, tous trois indispensables à la nutrition. Une archive qui grésille fort. Voilà un extrait de l'Université Radiophonique Internationale diffusé sur la radiodiffusion française en 1949. Soraya Taleb, quels sont, pour compléter ce qu'on vient d'écouter, les éléments indispensables à la nutrition ? Comment vous fait réagir cette archive ? Alors c'est vraiment marrant, le monsieur s'est beaucoup focalisé sur les protéines et les acides aminés et il a réduit ces acides aminés à trois acides aminés, il y en a 20 qui sont essentiels, mais en fait justement l'alimentation c'est pas uniquement des protéines, donc c'est des macronutriments, que ce soit des protéines, des lipides Comment ? Des sucres, oui. Des sucres, oui. Des carbohydrates, des sucres. Des sucres et également des micronutriments, donc des oligo-éléments, vitamines, etc. Et tout ça donc, va faire qu'on a une alimentation diversifiée. Donc il faut ces différents catégories. Elles sont toutes indispensables à notre métabolisme, effectivement. Voilà. Nadine Servène-Soussan, la date de cette archive vous faisait réagir également ? Oui, elle me faisait réagir parce que je me suis demandé exactement ce qu'il allait y avoir dans cette archive et si on était déjà à l'époque où on envisageait de modifier l'alimentation pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'alimentation. Et donc cette phase qui est juste après la guerre, où on a essayé de faire une alimentation industrialisée, avec probablement l'idée favorable de pouvoir alimenter la majorité des gens. Peut-être aussi pour écouler un certain nombre de surplus, mais c'est à peu près la charnière du moment où effectivement l'alimentation va changer d'une alimentation traditionnelle vers une alimentation qui va évoluer de plus en plus vers l'ultra-transformation. Justement, les produits ultra-transformés, les effets de l'industrialisation de l'alimentation, ça on va en parler évidemment plutôt en deuxième partie d'émission. Tout d'abord, pour un petit rappel, hein, un rappel simple sur ce que manger fait à notre organisme physiologique. Logiquement, Soraya Taleb, quand on mange, que se passe-t-il ? Quand on mange, ça va dans notre tube digestif et donc il y a une partie des aliments qui vont être absorbés, donc qui vont être utilisés par notre organisme, et une partie des aliments qui vont être métabolisés par nos petites bactéries qui sont au niveau intestinal. Et ces petites bactéries, quand elles catabolisent ces produits, elles libèrent des messagers, des métabolites, donc c'est des petits messagers qui vont interagir avec nos cellules. Nadine Servène-Soussan. Oui, alors effectivement, il y a une partie des aliments qui sont absorbés, d'ailleurs dans la partie haute de l'intestin, puis il y a une partie qui s'en va dans la partie basse de l'intestin, ce qui n'a pas été digéré. Et effectivement, ces bactéries réunies au sein du microbiote vont avoir la capacité de digérer toute une série d'aliments, en particulier les fibres alimentaires d'origine végétale que nous avons du mal à digérer, pour lesquelles nous n'avons pas l'équipement enzymatique. Et effectivement, ils vont libérer toute une série de facteurs solubles, alors messagers, c'est un bon terme, qui vont pouvoir soit localement, aller d'ailleurs entretenir la santé du côlon, donc l'endroit où se trouvent les bactéries, et les bactéries sont plutôt contentes d'avoir un bel habitat, ou éventuellement franchir la barrière intestinale et aller à distance influer sur notre métabolisme. Et on admet aujourd'hui, je ne sais pas si le chiffre est complètement exact, mais que 40 à 50% de ces métabolites qui circulent dans le sang viendraient des bactéries ou de la transformation de notre alimentation par les bactéries. Oui, c'est ça. C'est dire l'importance que ces métabolites peuvent avoir en allant à travers le sang rencontrer tous les organes, et ça contribue à expliquer les effets qu'on décrit aujourd'hui du microbiote sur la fonction de nombreux organes. Ouais, voilà, c'est qu'il y a une activation à distance du système immunitaire par les bactéries du microbiote. Alors, impossible de parler de santé sans un peu aussi parler du fonctionnement du système immunitaire, le dispositif de défense de notre organisme. Il y a deux gros systèmes qui nous permettent de nous défendre des pathogènes, Soraya Taleb. Donc oui, il y a deux gros systèmes. Un système qu'on appelle inné, donc c'est une réponse rapide, donc qui demande pas au corps d'avoir une mémoire. Donc quand on a un agent pathogène, les cellules sont là et elles vont réagir rapidement. L'autre gros système, c'est le système adaptatif. Donc là, il y a besoin, donc il est spécifique à un agent et il y a besoin d'une mémoire immunitaire pour agir. Ce système justement adaptatif, aussi appelé système acquis, c'est sur cette propriété aussi du système immunitaire que sont basés les vaccins. Oui, absolument, parce que c'est le système adaptatif acquis qui permet la production d'anticorps et puis l'activation donc d'anticorps qui vont pouvoir aller bloquer les pathogènes, éventuellement les enrober de telle sorte qu'ils vont pouvoir être mangés par les cellules immunitaires capables d'éliminer un certain nombre de pathogènes. Et puis c'est aussi, on en a beaucoup parlé pendant le Covid aussi, à côté des anticorps, ces cellules T, tueuses éventuellement, qui vont aller s'attaquer aux cellules qui sont infectées par les virus pour les éliminer, éliminer définitivement le virus. Et c'est effectivement ce système adaptatif qui va apporter à la fois une mémoire et puis qui va aussi apporter une régulation fine des réponses pour pouvoir permettre d'arrêter ces réponses quand le pathogène est éliminé et éviter des phénomènes aussi d'inflammation ou de l'auto-immunité ou des phénomènes d'allergie. Donc il y a une régulation très stricte de ce système immunitaire. Quand ce système immunitaire qui est donc chargé de détruire tout ce qui est étranger à notre organisme, de manger les pathogènes, pourquoi tolère-t-on notre alimentation? Comment le système de défense peut-il différencier un fragment de bactéries nocives d'un fragment de patate? Nadine Serben-Soussan. Oui, alors en fait, parmi les cellules du système immunitaire adaptatif, justement, on a une série de cellules régulatrices. Et ces cellules régulatrices sont absolument clés pour nous protéger, pour induire la tolérance aux protéines alimentaires. Justement, c'est ça qui sont les allergènes. Et ces cellules régulatrices, on sait qu'elles sont clés. Bon, ça a été très bien montré chez la souris, mais on sait que c'est vrai chez l'homme, puisqu'on a des patients avec des déficits immunitaires qui n'ont pas ces cellules. Et ces patients-là font à la fois de l'auto-immunité et de l'inflammation et des allergies, en particulier des allergies alimentaires. Pour compléter, pourquoi tolère-t-on notre alimentation puisque les protéines alimentaires sont des agents extérieurs? Oui, donc justement, notre système immunitaire, il est éduqué pour tolérer ces agents extérieurs, mais aussi pour tolérer nos bactéries, parce que c'est aussi des micro-organismes, mais justement, il est éduqué pour pouvoir tolérer tout ça, donc et éviter qu'il s'emballe. Mais il peut s'emballer dans certaines conditions. Oui, c'est que le système immunitaire apprend à distinguer les mots pathogènes et les aliments. Pour ça, il est aidé par les bactéries du microbiote. On peut peut-être un peu détailler qu'on peut dire qu'il est éduqué, en fait, surtout pour apprendre à ne pas reconnaître nos propres protéines, nos propres constituants du soi. Et par ailleurs, une partie des cellules qui effectivement... il y a toute une série de mécanismes assez complexes qui permettent effectivement de reconnaître électivement ce qui est étranger. Et puis, il y a des mécanismes de régulation qui permettent de tolérer des choses qui sont étrangères mais pas méchantes, comme les protéines alimentaires. Et éventuellement, comme les bactéries du microbiote, qui sont effectivement tolérées, ou en tout cas, je ne sais pas si elles sont vraiment tolérées, mais en tout cas, elles sont maintenues dans la lumière de l'intestin par toute une série de mécanismes et d'une barrière intestinale extrêmement solide, qui fait que ces bactéries, elles n'ont pas trop de chances de franchir la barrière intestinale. Et si elles la franchissent, elles sont éliminées. Bon, puis si elles ne sont pas trop méchantes, effectivement, elles suscitent des phénomènes de tolérance. Mais bon, il faut mieux pas trop qu'on soit tolérant à ces cellules. Si elles passent dans le sang, il faut vraiment qu'elles soient éliminées, ces bactéries. Il est hors de question de garder des bactéries, même du microbiote, dans l'organisme. Mais par rapport aux effets bénéfiques, parce que l'intestin est souvent décrit comme l'écosystème le plus densément peuplé en microbes sur la planète, son impact en santé humaine est considérable. Quels sont justement ces effets bénéfiques de ces interactions très fortes entre ces bactéries intestinales et leurs hôtes? Alors, justement, de part de cet dialogue, il y a un dialogue entre notre système immunitaire et les bactéries, via justement les petits messagers, les métabolites aussi, qui jouent un rôle important. Et par exemple, parmi ces métabolites, on connaît des exemples de métabolites, je ne sais pas si on va rentrer dans ce détail-là, mais il y a les acides gras à chaîne courte. Donc, c'est des petits métabolites qui sont des petits messagers qui sont libérés par les bactéries et qui peuvent agir sur notre système immunitaire. Et par exemple, ces petites molécules, ils induisent les cellules régulatrices tolérogéniques que Madame Nadine Bensoussan on a parlé tout à l'heure, donc justement pour diminuer l'inflammation au niveau de notre organisme. Donc voilà, ça c'est un exemple qui illustre cette interaction entre bactéries, cellules immunitaires et avec un impact sur notre organisme. Oui, les acides gras à chaîne courte que vous évoquez, hein, qui sont issus de la fermentation des fibres et qui sont reconnus pour leur impact positif sur la santé, on en parle dans quelques instants. Nadine Serben-Soussan, sur justement les effets bénéfiques de ces interactions bactéries intestinales et leurs hôtes. Alors, il y a un premier effet qui est vraiment très important, qui est un effet contre les pathogènes, qui est lié à deux choses, à deux mécanismes principaux. Le fait que les bactéries intestinales, en allant occuper toutes les niches métaboliques de l'intestin, finalement vont bloquer l'entrée des pathogènes. Et c'est illustré par ce qui se passe quand on a un traitement antibiotique qui va vider un certain nombre de bactéries qui sont normalement résidentes dans l'intestin. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire entrer des pathogènes. Et c'est voilà. Et alors, effectivement, il va falloir rétablir ces bactéries pour avoir cet effet barrière. Et d'un autre côté, ces bactéries vont stimuler le système immunitaire, à la fois le système immunitaire local. Il y a un très très grand nombre de cellules immunitaires associées à la paroi de l'intestin. L'intestin, c'est un endroit donc où il y a une partie qui va absorber, et juste à côté, dessous, il y a un très grand nombre de cellules immunitaires qui vont le protéger justement contre toutes ces bactéries. Ces cellules vont s'activer. Et donc, s'il y a un pathogène qui arrive, ces cellules seront préactivées pour répondre au pathogène. Par ailleurs, grâce justement à ces métabolites qui sont allés, ces messagers qui vont se promener dans le sang, le système immunitaire à distance de l'intestin va pouvoir aussi être activé et être préactivé lors de la réponse pour répondre à un pathogène. Alors, quelles recherches récentes sur le microbiote nous éclairent sur ces liens fins entre alimentation et santé? Comment la modification d'un régime alimentaire peut-elle améliorer notre système immunitaire? Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. Voilà le printemps, c'est l'époque des nettoyages. Nettoyez votre sang et votre tube digestif avec une tasse de thé des familles qui donne bon estomac, bon foie, bon intestin. Ah, qu'il est bon à boire tous les soirs ce mélange de 18 plantes aromatiques. 6 francs la boîte chez votre pharmacien. N'oubliez pas, thé des familles. Pas de santé, santé des familles. On est en 1936 sur France Culture, en direct avec Nadine Serben-Soussan et Soraya Taleb. On se demande quels sont les liens entre alimentation, microbiote et système immunitaire. Le régime alimentaire, c'est le levier principal pour influer sur la composition du microbiote, mais aussi sur les fonctions des bactéries du microbiote. On a une actualité, une étude parue en janvier dernier dans la revue Nature Medicine, qui montre donc qu'un changement de régime, un régime alimentaire entre un régime végétalien et un régime cétogène a un impact sur le microbiome et sur les deux systèmes immunitaires innés et acquis, Soraya Taleb. Oui, en effet. Donc, il s'agit d'une étude réalisée sur une vingtaine de participants, donc qui ont mangé un régime soit keto au départ. Donc, le régime keto, c'est un régime très pauvre en glucides. Donc, c'est un régime protéiné avec des lipides, mais très pauvre en glucides. Et ils ont switché leur alimentation vers un régime vegan ou l'inverse. C'était random. Et en fait, donc ils se sont aperçus en fait que ce microbiote, cette alimentation donc impactait le microbiote rapidement et aussi façonner le système immunitaire de manière différentielle. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, c'est que le régime keto, en fait, lui, il va activer plutôt le système adaptatif, et alors que le régime vegan activait plutôt le système inné. Oui, c'est ça, c'est que ce ne sont pas les mêmes cellules de l'immunité, ni les mêmes gènes de l'immunité qui sont activés dans les deux cas, dans les deux régimes différents, Nadine Serben-Soussan. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est presque un tout petit peu surprenant. C'est ce qu'ils ont constaté. Alors, cette étude, en fait, complète un grand nombre d'études, à la fois chez la souris et puis de plus en plus chez l'homme, qui montrent qu'on peut, avec des interventions de régime, des interventions alimentaires, en l'espace de 1 à 2 semaines, modifier la composition et les fonctions du microbiote, ce qui est quelque chose de très intéressant. Et alors, effectivement, là, ils montrent qu'il y a des effets sur les paramètres, un grand nombre de paramètres humains. Alors, immunité innée, dans l'article, il est associé avec une activation des réponses antivirales. Et la réponse adaptative, c'est pas très clair dans l'article à quoi elle est associée. parle de cellules régulatrices, c'est difficile. Alors en fait, cet article est très intéressant surtout pour montrer ces shifts très importants à la fois sous l'effet du régime alimentaire, de paramètres humains et de microbiote. Mais ce que fait pas cet article néanmoins, c'est il établit que des corrélations et il ne montre pas de lien de cause à effet entre les modifications profondes du microbiote qu'il voit et les modifications profondes des paramètres humains qui sont observés, et il ne montre pas non plus clairement quelles sont les conséquences de ces modifications des paramètres humains, soit innés, soit adaptatifs, pour l'hôte. Et donc c'est ça qui manque un tout petit peu, mais bon, il y a un certain nombre d'études, notamment dans des modèles murins, qui peuvent permettre de répondre à ces questions, et notamment, je pense que Soraya pourra peut-être répondre à... Dans le cas de cette étude, oui, ce n'est pas une étude sur les conséquences pour la santé des individus qui est observée. Oui, c'est vraiment une étude observationnelle qui vraiment fait le lien entre alimentation et le type d'immunité qu'on a. Et en plus, il s'agit de cellules circulantes, donc on ne sait pas dans les tissus comment va être cette immunité. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une étude associative. Il n'y a pas de lien de causalité dans cette étude. Et l'alimentation, en influant la composition, les fonctions du microbiote, influe donc sur les réponses immunitaires. On a de nombreuses études expérimentales chez la souris, avec un régime riche en graisse et en sucre, ce qu'on appelle le Western Diet, hamburger, frites, coca, ice cream, pizza, frites. Nadine Serben-Soussan, qu'est-ce qu'on observe sur le microbiote des souris soumis à un tel régime? Ah bon, c'est Soraya pourra aussi bien parler, parce que je pense qu'elle a pas mal travaillé dessus, mais elle pourra compléter. En fait, ce qu'on sait, c'est que ce régime, qui est le régime qui finalement s'est instauré dans nos pays, qui s'instaure avec l'industrialisation progressive dans tous les pays, mais qui s'est d'abord instauré bien sûr en Europe et aux États-Unis, s'accompagne est finalement très très différent de l'alimentation traditionnelle qui était essentiellement basée sur des régimes très riches en végétaux, en fibres, avec une quantité de protéines animales qui était limitée et des quantités en sucre et en lipides qui étaient aussi limitées. Et donc les conséquences de ce régime semblent avoir, et on le voit chez la souris, conduisent en fait à une perte de diversité du microbiote et on passe de 500 à 600 espèces chez l'homme par exemple avant ce type de régime à 300, 400 espèces, voire chez certains 200 espèces. Et en même temps, donc on perd des bactéries dont on sait qu'elles ont des effets bénéfiques pour la santé. Par exemple, ces bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte, dont va sûrement reparler Soraya. Et à l'inverse, on sélectionne et on permet l'entrée dans l'intestin de bactéries plus pro-inflammatoires qui localement vont activer de façon excessive le système immunitaire, altérant la barrière intestinale, favorisant des translocations de bactéries, mais aussi des translocations de produits pro-inflammatoires qui vont aller à distance induire des phénomènes inflammatoires et perturber le métabolisme. Oui, donc ce qu'on observe sur le microbiote des souris, c'est ça réduit la diversité du microbiote, Soraya Taleb. Oui, c'est tout à fait ça. Ça réduit la diversité du microbiote et ça change sa composition. Et en regard, ça augmente aussi, en conséquence, ça augmente aussi cette inflammation qu'on dit systémique, c'est-à-dire au niveau de la périphérie. Et ça peut provoquer des maladies inflammatoires, comme les maladies cardiovasculaires et les maladies inflammatoires aussi au niveau de l'intestin. Donc voilà, ça a des conséquences vraiment néfastes. Parce qu'on parle là de ces western diètes, mais il y a aussi les fameux régimes de type méditerranéen. Nadine Serben-Soussan, qui font très souvent les gros titres. Oui, alors c'est vrai que face à cette épidémie de maladies chroniques, inflammatoires et métaboliques, puisque à côté de maladies inflammatoires, effectivement, comme vous l'avez dit, de l'intestin, de l'athérosclérose, qui est à la limite entre la maladie métabolique et la maladie inflammatoire, mais aussi l'obésité et le diabète, on assiste à ce qui est appelé une épidémie, en tout cas une augmentation considérable. Eh bien, évidemment, beaucoup de gens se demandent comment lutter contre cette épidémie. Et le régime méditerranéen semble aujourd'hui un des régimes qui semble en tout cas protéger, parmi les régimes qu'on peut imaginer, c'est probablement un de ceux qui peut protéger contre la... Donc c'est un effet préventif contre l'apparition de ces... un effet préventif vis-à-vis de l'apparition de ces maladies chroniques, tant inflammatoires que métaboliques. Et on a des preuves sur la base d'études épidémiologiques prospectives que c'est vrai. Alors, ce régime méditerranéen, c'est un régime qui est riche en légumes, qui est riche en fruits, qui est limité en protéines animales et qui utilise comme protéines animales plutôt du poisson ou des volailles, qui est aussi utilise comme qui est pas trop riche en lipides et qui utilise plutôt l'huile d'olive. Et puis est-ce que j'ai parlé des fruits? Et puis bien sûr des fruits. Voilà. Et donc c'est un régime équilibré en tout cas et diversifié. Soraya Taleb. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, ce qui caractérise ce régime, c'est vraiment le fait que ça soit diversifié. Donc, vous avez parlé d'une richesse en légumes, etc. Et on sait que ces légumes, les légumineuses, tout ça, c'est très riche en fibres. Et en fait, les fibres, c'est un substrat du microbiote. Donc, ils adorent ces fibres-là. Et justement, en fermentant ces fibres, ben, ils libèrent ces petits messagers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les acides gras à chaîne courte et qui ont des effets bénéfiques sur l'organisme. On a ces études aussi sur des animaux qui suivent le type de régime alimentaire et qui observent comment cela peut affecter différemment le système immunitaire. Mais ça, Soraya Taleb, c'est quand même plus simple d'observer ça chez les animaux. Oui, bien sûr. Les animaux vivent dans des animaleries qui ont sont contrôlées, point de vue sanitaire, etc. Les souris de laboratoire. Les souris de laboratoire. Donc, ils ont un microbiome qui n'est pas très diversifié. C'est pas comme notre microbiote qui est vraiment riche et très différent d'un individu à l'autre. Donc, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des effets, etc. En général, ça marche très bien dans les modèles animaux et c'est beaucoup plus compliqué chez l'homme. Oui, c'est avec les souris de laboratoire, on peut la réaction à un régime alimentaire, on peut le comparer facilement entre les individus, mais pour les humains, ça c'est plus compliqué. Et puis en plus, le microbiote de chaque individu est différent. Oui, on sait maintenant que si on donne à des individus le même régime, bah en fait ils vont répondre différemment. Quand on regarde leurs fonctions, les fonctions métaboliques, on sait que ils vont avoir des fonctions métaboliques différentes, alors que ils ont eu le même régime. Donc ça prouve bien que cette diversité du microbiote fait que les réponses obtenues vont être différentes. Nadine Serbet-Soussan. Oui, ce que permet de faire en plus la souris, c'est effectivement de faire de la transplantation de microbiote. Et donc, on peut en fait induire avec une alimentation particulière, modifier les paramètres métaboliques et inflammatoires de la souris. Donc, prendre un régime riche en gras et en sucre, et puis induire des anomalies métaboliques de type diabète ou une inflammation de type inflammation intestinale. Et puis, voir le microbiote qui se modifie au cours de ce régime, et puis prendre le microbiote de cette souris et le donner à une autre souris, et en fait transmettre à cette souris les modifications métaboliques et inflammatoires. Et ça, c'est vraiment quelque part ce qui a vraiment permis de montrer cette transmission, enfin le rôle causal du microbiote dans les modifications induites par l'alimentation. Je reviens sur la grande diversité du microbiote humain. Soraya Taleb, on a évoqué l'importance d'une alimentation équilibrée, mais est-ce qu'une alimentation équilibrée sera équilibrée pour tous les organismes de la même façon? Ou Nadine Serbet-Soussan, je voulais pas vous poser une colle. Voilà. En fait, si on reprend je suis retournée. En fait, cette diète, ce régime méditerranéen fait probablement un bon compromis pour la majorité d'entre nous. Néanmoins, il y a un groupe israélien extrêmement, absolument remarquable, qui a essayé de comprendre, enfin qui s'est attaqué à l'observation simple, qui est quand on mais les gens qui ont besoin de maigrir ou à qui on a besoin de contrôler le diabète à un régime, en fait, les conséquences chez les individus sont extrêmement variables. Et donc, avec des efficacités qui sont variables et des effets sur le microbiote qui sont variables, avec cette difficulté à rétablir la diversité qui est souvent accompagnée au fait que le patient résiste à l'effet du régime. Et donc, ils se sont posé la question de savoir si le régime, si en fonction du microbiote, en fait, notre réponse au régime alimentaire pouvait être différente. Et donc, ils ont utilisé un paramètre qui est la réponse glycémique après le postprandial, après le repas, et ils sont effectivement aperçus qu'ils pouvaient voir des différences, que chez un même individu, quand on donnait un repas type, eh bien, ils avaient exactement la même réponse en termes de glycémie, mais que les réponses étaient extrêmement variables selon les individus. Et avec des algorithmes extrêmement complexes dans lesquels je serais bien incapable de rentrer, ils ont effectivement construit des algorithmes basés sur à la fois l'état du patient, l'état de l'individu, son régime, son microbiote, un certain nombre de paramètres métaboliques pour proposer des régimes personnalisés. Alors, voilà. Et ils indiquent sur une période très courte que pour certains, ça serait mieux que le régime méditerranéen. Ils n'ont néanmoins pas comparé sur une durée très longue. Donc, mais c'est effectivement quelque chose auxquels les gens réfléchissent aujourd'hui. Oui, on reviendra un peu plus dans le détail justement sur ce qu'est la nutrition de précision, cette nouvelle branche. Mais avant, on parle des bénéfices du régime de type méditerranéen. Est-ce qu'il existe vraiment des aliments qui boostent le système immunitaire, Soria Talaou ? Oui, tout à fait. Donc justement, on parlait de légumes, légumineuses, etc. Donc c'est des aliments qui sont très riches en fibres. Et maintenant, on sait très bien que les fibres, ça a vraiment des effets bénéfiques. Par exemple, chez l'animal, une supplémentation en fibres, ben, ça réduit les maladies inflammatoires, que ce soit cardiovasculaires ou maladies inflammatoires de l'intestin. Donc c'est plus compliqué, comme j'avais dit tout à l'heure, chez l'homme, parce qu'il y a cette diversité microbienne. On n'est pas tous équipés des mêmes bactéries, donc on ne répond pas de la même manière. Donc ça peut marcher plus chez certains individus que chez d'autres. Mais grosso modo, c'est fibres, donc ont un effet bénéfique parce que justement, ils sont métabolisés par les bactéries. Ça libère ces acides gras chez courte qui ont vraiment des effets bénéfiques importants sur l'organisme. À l'inverse, comment l'alimentation peut-elle être un facteur de risque pour certaines maladies ? Pourquoi l'alimentation, mais aussi son impact sur le microbiote intestinal, sont aujourd'hui des pistes d'intérêt pour la recherche sur les maladies cardiovasculaires ? Reste à l'écoute, on répond à ces questions dans quelques instants. Burger City de Casino Musique en direct sur France Culture, car nous parlons de l'impact de l'alimentation sur le système alimentaire. On en parle avec nos deux invités du jour, Nadine Serben-Soussan, directrice de recherche INSERM, directrice du laboratoire immunité intestinale à l'Institut Imagine, rattachée à l'Université Paris-Cité, et avec Soraya Taleb, directrice de recherche à l'INSERM. On a vu en première partie d'émission que l'alimentation, en influant la composition et les fonctions du microbiote, influe donc sur les réponses immunitaires. Mais s'intéresser au lien entre alimentation et immunité, ça implique aussi d'examiner les relations symbiotiques entre l'intestin et les micro-organismes qui le colonisent. C'est ce qu'on fait avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour, Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes allée au laboratoire immunité intestinale de l'Institut Imagine de la PHP découvrir le rôle de bactéries particulières dans cette immunité intestinale. Oui, une immunité considérable conférée par des bactéries dites filamenteuses segmentées qui colonisent l'intestin sans induire aucune pathologie. En symbiose dans le milieu, elles jouent même un rôle clé dans les défenses immunitaires. Ce mécanisme était depuis longtemps observé chez la souris, mais on avait du mal à le reproduire in vitro pour en exploiter les bénéfices. L'équipe de Valérie Gaborio-Ruccio est parvenue justement à relever le défi pour examiner le fonctionnement de cette bactérie et en tirer des perspectives thérapeutiques. Développe des travaux pour vraiment bien comprendre l'interaction d'une bactérie tout à fait particulière qui s'appelle la bactérie segmentée filamenteuse, que j'appelle aussi SFB, c'est plus simple. Et en fait, l'intérêt de cette bactérie, c'est qu'elle a un pouvoir immunostimulant extrêmement fort. C'est vraiment une bactérie commensale, donc une bactérie... Qui est neutre en fait. Naturelle, normale on va dire, dans le microbiote. Mais par contre, elle a des propriétés très stimulante du système immunitaire. Et l'intérêt, en tout cas c'est ce que nous on a pu montrer, ou contribuer à montrer chez la souris, c'est que les réponses immunes qu'elle est capable d'induire, en fait reproduisent quasiment l'ensemble des réponses immunes que l'ensemble du microbiote fait. Donc c'est un peu à elle toute seule la capacité de reproduire ce qui se passe globalement, et c'est pour ça que je vous disais qu'elle était vraiment un immunostimulateur puissant, d'où l'intérêt de s'intéresser à cette bactérie en se disant bah, peut-être qu'on pourrait utiliser les mécanismes induits par cette bactérie dans peut-être telle ou telle pathologie si on trouve un défaut. Donc en fait c'est pour ça qu'on en est vraiment aux études fondamentales pour bien décrypter toutes ces interactions-là et peut-être un jour pouvoir les mettre à usage ou à intérêt chez l'homme. Quand on s'intéresse à l'immunité dans le milieu intestinal, il y a une sorte de phénomène un peu antagoniste ou paradoxal qui est qu'il y a une tolérance aux aliments et en même temps, on n'est pas censé accepter ce qui est du non-soi. Est-ce que ça fait partie des problématiques que vous étudiez d'un point de vue fondamental ? Alors, effectivement, la tolérance, on entend souvent parler de ça au niveau des protéines alimentaires, effectivement, pour éviter les phénomènes d'hypersensibilité, d'allergie au sens très général du terme. Mais le microbiote intestinal est aussi considéré comme partie prenante de notre propre organisme. Et donc, il y a aussi beaucoup de mécanismes de tolérance vis-à-vis de ces bactéries qui se mettent en place. Et justement, l'importance de nos travaux, ou en tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre justement comment ces mécanismes d'interaction réciproque peuvent se mettre en place et justement mener à cette homéostasie intestinale entre bactéries et hôtes, et en particulier via l'intervention du système immunitaire. Donc l'essentiel des recherches, en tout cas celles que je mène moi, sont basées sur l'utilisation de modèles animaux. Et on a ici à l'Institut Imagine une petite unité de ce qu'on appelle d'animaux gnotoxéniques, c'est-à-dire des animaux que l'on élève stérilement dans des bulles, et ce qui nous permet de pouvoir coloniser ces souris-là à un moment choisi, avec un microbiote choisi, soit un microbiote complexe, soit au contraire des bactéries isolées ou individuelles, ce qui nous permet de pouvoir avoir accès à l'analyse d'interactions tout à fait particulières et spécifiques entre, en l'occurrence, des bactéries et le système immunitaire intestinal. C'est-à-dire que sur ces modèles, on peut vraiment designer en quelque sorte leur microbiote pour tester des mécanismes ou des réactions en fonction de ce qu'on inocule ou... Exactement. C'est tout à fait ça, étant donné que les animaux, donc nous ce sont des souris, étant donné qu'elles sont stériles, eh bien on va pouvoir les coloniser soit avec un microbiote complexe d'origine murin, soit même réaliser des transferts de microbiote humain, si jamais on veut s'intéresser à étudier les interactions entre ce microbiote humain et le système immunitaire intestinal, soit des bactéries isolées. Et donc, à ce moment-là, avoir accès à une étude vraiment très spécifique de l'interaction entre un type bactérien donné et l'hôte. Et ici, derrière nous, on a... Un laboratoire, du coup, donc on a les laboratoires. Bah, là, venez. En fait, c'est vraiment... l'endroit avec les paillasses. Donc, forcément, une fois qu'on a les modèles animaux, on récupère des organes, des cellules et tout ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on vient travailler dans les laboratoires pour réaliser les différentes expériences, les approches qui vont nous permettre d'avoir accès de façon plus spécifique à la question posée via justement différentes techniques qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Alors, donc nous, dans le cadre de nos interactions haute microbiote et SFB haute, forcément, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe au niveau de l'intestin. Donc en fait, les questions qu'on va adresser, on va les baser sur des cellules immunitaires, forcément, qu'on va isoler de ce compartiment intestinal. C'est essentiellement ça qui nous intéresse. On peut forcément aussi utiliser du sang et regarder ce qui se passe dans le sang, notamment d'un point de vue métabolisme, des choses comme ça. Mais donc une fois qu'on a mis par exemple les animaux sous tel ou tel régime, on va pouvoir prélever les organes, isoler les cellules et puis regarder le profil des réponses immunes qui sont données par ces cellules-là, quoi. Donc les images, on fait une lecture de ces images qui nous donnent ces informations. Alors, images ou profil histologique, histologique ou cellulaire, et donc dans le profil des molécules cytokines, chémokines, et je ne sais encore, qui peuvent être sécrétées par ces cellules-là, et donc qui vont nous donner une idée sur l'orientation des réponses immunes qui sont dépendantes de ces cellules-là. Et en fait, voilà comment progressivement, en fait, on essaye de répondre à nos questions en fonction des réponses qu'on peut trouver ou mettre en évidence grâce à l'analyse des populations cellulaires particulières. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Soraya Taleb, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, non, mais ça illustre bien les études qui sont en cours là pour étudier cette interaction entre des bactéries. Là, dans ce cas-là, c'est la SFP et le système immunitaire. Et l'utilisation, comme ça a été souligné dans le reportage, des souris axéniques, c'est-à-dire des souris qui n'ont pas de microbiote, est vraiment très important dans notre recherche. Et une particularité justement de ces souris-là, c'est qu'elles ont un système immunitaire immature, donc ce qui vous montre bien que notre microbiote est important pour la maturation du système immunitaire et pour l'activation du système immunitaire. Et il y avait aussi une discussion par rapport à la transplantation fécale qu'on fait avec les modèles de souris. Et on peut même utiliser du microbiote humain. Donc ça nous permet vraiment d'étudier directement l'impact du microbiote, en particulier le microbiote humain, sur les maladies. Nadine Serben-Soussan, vous souhaitiez également réagir à ce reportage. Non, effectivement, cette bactérie segmentée filamenteuse a été surtout étudiée chez la souris. Et effectivement, on a contribué à montrer que son installation dans l'intestin chez la petite souris au moment du sevrage est absolument clé pour lancer l'activation de la barrière immunitaire intestinale, de favoriser le recrutement de cellules localement, d'induire à la fois les réponses innées et les réponses adaptatives qui vont protéger cette barrière. Et puis effectivement, il y a d'autres chercheurs que nous qui ont montré que cette bactérie pouvait envoyer à distance des signaux pour activer le système immunitaire et le rendre plus fort quand on introduit des pathogènes. Par rapport à cette épidémie de maladies cardiovasculaires, en fin de compte, toutes ces observations, ces relations entre microbiote et système immunitaire, tout ce dont on parle depuis plus de 42 minutes maintenant, ça permet d'expliquer aussi cette épidémie de maladies chroniques, métaboliques et inflammatoires de nos sociétés, Soraya Taleb, comme les maladies comme l'obésité, le diabète de type 2. Oui, donc comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est que maintenant on est passé d'une alimentation qui était diversifiée, qui était basée sur un apport important en légumes et un apport pauvre en protéines animales, etc., vers une alimentation qui est maintenant ultra transformée. Et on sait maintenant que il y a une corrélation très forte entre ce changement alimentaire et l'apparition de ces maladies inflammatoires chroniques, comme les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est une association, mais maintenant, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant, il y a des éléments chez l'homme et chez la souris qui nous montrent qu'il y a un lien de causalité entre ce changement alimentaire et l'impact sur le microbiote et sur notre santé. Nadine Sabensoussan. Oui, je pense que c'est déjà ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, c'est que la modification du microbiote induite par l'alimentation sélectionne des bactéries et conduit à la production de métabolites moins bénéfiques. Et Soraya l'a très joliment montré dans un article où effectivement, avec son régime gras et sucré, eh bien, il y a moins de production d'acides gras à chaîne courte. Et du coup, elle a une activation des lymphocytes d'un certain type de cellules immunitaires qui vont aller dans la paroi des artères, favoriser de l'athérosclérose. Et effectivement, ça, il semble bien que ce soit sur changement de régime alimentaire, en tout cas dans ce modèle particulier, qui soit impliqué. Alors, il n'y a pas que les acides gras à chaîne courte, il y a en particulier tous les dérivés du tryptophane, cet acide aminé dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, dont un certain nombre de produits transformés par le microbiote vont aussi avoir des effets très importants sur le système immunitaire, voire sur nos régulations métaboliques. Voilà, et ces dérivés du tryptophane sont éventuellement aussi moins bien produits par des microbiotes soumis à une alimentation de type, entre guillemets, Western diet. Les maladies cardiovasculaires constituent une des premières causes de mortalité dans le monde. Parmi ces maladies, il y a donc l'athérosclérose. Soraya Taleb, votre étude parue dans la revue Cell Reports en 2023 illustre les effets d'un régime riche en graisse, cette maladie chronique inflammatoire, comment se caractérise-t-elle d'abord, avant de parler de vos résultats ? Alors, l'athérosclérose, c'est une des premières causes de maladies qui peuvent être mortelles, comme l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Donc, c'est vraiment une maladie silencieuse qui peut devenir non silencieuse et du coup provoquer ces maladies qui peuvent être mortelles. Donc c'est quoi l'athérosclérose ? C'est des lipides qui s'accumulent dans nos parois vasculaires et il n'y a pas que les lipides qui interviennent dans le développement de l'athérosclérose. Maintenant on sait, il y a des données chez l'homme et chez l'animal qui montrent que l'inflammation joue un rôle, donc cette activation de notre système immunitaire joue un rôle important dans le développement de l'athérosclérose. Oui, c'est une maladie chronique à la fois métabolique et inflammatoire. C'est ça, c'est au carrefour des deux composants. Et dans votre étude, vous faites le lien entre alimentation pauvre en fibres, le système immunitaire et les maladies cardiovasculaires. Comment montrez-vous qu'une alimentation pauvre en fibres impacte de manière négative le système immunitaire ? Comment ça a été établi ? Donc, un des médiateurs, cette alimentation donc impacte le développement de l'athérosclérose via plusieurs paramètres et plusieurs mécanismes. Un des mécanismes, ça serait via le microbiote intestinal. Et comment on a pu en mettre en évidence l'implication spécifique du microbiote intestinal ? C'est grâce à ce qu'on parlait tout à l'heure de la transplantation fécale. Donc ça permet en fait de transplanter le microbiote d'une souris qui a reçu cette alimentation riche en gras et faible en fibres à une souris receveuse qui, elle va avoir le même régime que son autre ami, une souris, c'est-à-dire qui a reçu un régime normal. Et ça nous a permis de montrer que cette alimentation faible en fibres et riche en gras, via le microbiote, ça a un impact sur le développement de l'athérosclérose et sur l'inflammation. Nadine Sabensoussan. Oui, je pense qu'elle a très bien décrit ses propres résultats. J'avais commencé un petit peu. C'est vrai que c'est typiquement le type de modèle expérimental qui est utilisé pour démontrer des liens de cause à effet entre les modifications d'alimentation et le microbiote et le système immunitaire ou éventuellement des modifications métaboliques ou éventuellement d'ailleurs des modifications de notre réponse cérébrale puisque on a beaucoup parlé aussi des liens entre le microbiote et éventuellement l'humeur, le cerveau et c'est aussi à travers des métabolites. Donc c'est ce principe des souris à qui on fait subir un certain nombre de modifications, notamment de modifications de l'alimentation, et dont on prend les fesses pour aller les mettre chez une autre souris, est effectivement le modèle expérimental clé pour démontrer l'effet causal du microbiote. Par ailleurs, une alimentation déséquilibrée est un facteur de risque important pour développer un grand nombre de maladies, les maladies neurodégénératives, les cancers, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI. Alors, comment la nutrition de précision étudie la façon dont les individus réagissent aux aliments qu'ils consomment ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, avec Nadine Serben-Soussan et Soraya Taleb, nous parlons des liens intimes entre alimentation, microbiote et système immunitaire. On a vu que le microbiome de chaque individu est différent, que des études montrent qu'en appliquant le même régime de manière contrôlée, en laboratoire, on obtient chez différentes personnes des réactions métaboliques différentes. À cause de ce problème d'hétérogénéité chez l'humain, Soraya Taleb, on voit apparaître un champ de recherche assez récent, c'est la nutrition de précision. Oui, c'est tout à fait ça. Donc cette nutrition de précision, elle prend en compte cette diversité du microbiote au niveau des individus, mais elle prend aussi en compte le phénotype de l'individu, c'est-à-dire comment la physiologie, etc. Et elle est basée sur l'intelligence artificielle, sur des outils qui permettent de prédire la réponse à un régime donné. Par exemple, un régime riche en sucre. Donc, comment l'organisme il va réagir en termes de paramètres métaboliques à ce régime-là. Donc, c'est la base de cette nutrition de précision. Et donc, ça va permettre, en fonction de ces connaissances, de donner une alimentation spécifique à chaque individu. Donc, grâce à l'IA, on peut simuler la façon dont le microbiote de l'individu réagit aux éléments. Nadine Serben-Soussan, ça demande une connaissance très fine, même très exhaustive du fonctionnement du microbiote, tout ça. Oui, alors effectivement, c'est les études qui ont réalisé ça. Ce sont des études absolument extraordinaires, avec surtout que ça a été fait sur une cohorte de 800 personnes dont la glycémie a été suivie en continu, le microbiote prélevé de façon régulière. Régulière tous les jours en changeant et en modifiant les régimes et avec un suivi d'un nombre considérable de paramètres métaboliques prélevés aussi très régulièrement, voire éventuellement suivis directement en direct grâce à des systèmes connectés. Et donc et puis avec des sujets à qui on guidait avec un téléphone portable l'alimentation. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça sera un jour réalisable, mais et à quel point ça va pouvoir s'appliquer à tout le monde. Néanmoins, ça montre qu'il faut probablement prendre en compte les particularités du microbiote et les particularités de chaque individu pour essayer d'adapter l'alimentation. Soraya Taleb. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, il y a aussi un autre paramètre qu'il faudrait prendre en compte, c'est l'appétence de l'individu pour certains aliments, parce que on peut lui dire de consommer certains légumes, mais que si la personne n'aime pas ces légumes-là, donc ça va pas aller. Donc, il y a plusieurs paramètres à mettre au point pour pouvoir aller vers cette piste. Je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même une série de questions qui se posent. C'est de revenir. Je pense que au-delà de ces choses assez futuristes, mais qui sont vraiment dans le pipeline. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de règles, peut-être simples, de retour à une alimentation diversifiée et puis effectivement moins riche en graisse, en sucre et se rapprochant du régime méditerranéen qui quand même n'est pas assez simple. Il y a besoin qu'une grosse partie de la population se réapproprie la cuisine pour faire soi-même ses aliments et éviter les aliments ultra transformés. On n'a pas précisé, mais c'est le cas, qu'il y a un certain nombre d'additifs qui ont des effets sur le microbiote en induisant, modifiant les propriétés de ces bactéries pour qu'elles soient vraiment plus pro-inflammatoires et qu'elles favorisent les problèmes métaboliques. Donc je pense qu'il y a quand même des choses peut-être assez simples qu'il faudra faire. Et puis un dernier point quand même à rappeler, c'est qu'on est quand même face à la nécessité à terme de pouvoir alimenter tout le monde. Donc il va falloir trouver des aliments qui soient à la fois utile pour la santé et disponible pour tout le monde. Et donc, c'est des voies de recherche aussi aujourd'hui très importantes. Et peut-être, ce que je peux peut-être dire, prendre l'occasion de dire ça, c'est qu'il y a un plan national qui vient d'être lancé, qui s'appelle Santé, Alimentation et Microbiote, et qu'effectivement, c'est autour de ces questions que s'articule ce plan qui a reçu 30 ou, je devrais le savoir, entre 30 et 50 millions d'euros quand même pour fonctionner, et qui réunit un très grand nombre d'instituts autour de cette question, avec l'INSERM et l'INRAE. Voilà. Oui, merci Nadine Serben-Soussan, ça fait 4 décennies que vous travaillez sur l'immunité intestinale. Merci pour votre regard sur les progrès et ainsi que ceux à venir. Dans quelques instants, on retrouve Alexandra Delbo pour la chronique Avec Science. Merci à vous deux en tout cas d'avoir été là avec nous tout au long de cette heure. Dans la chronique Avec Science aujourd'hui, on s'interroge sur les yeux des poissons zèbres. Comment les poissons remettent-ils leur pendule à l'heure grâce à la lumière? C'est un phénomène qui existe aussi chez nous, c'est le photo-entraînement. Pas besoin de vous entraîner à quoi que ce soit, vous n'avez rien à faire puisque c'est automatique. Les variations de luminosité dictent la production de diverses hormones, excitantes ou soporifiques, qui signalent à notre organisme par exemple quand se lever et quand se coucher. La lumière remet nos rythmes circadiens à l'heure. Ça, c'est le cadre théorique de nos connaissances, valable pour toutes les espèces, mais en réalité, ce photo entraînement a surtout été étudié chez des espèces nocturnes, en l'occurrence les souris et les rats de laboratoire, et chez eux, tout passe par les yeux. Élise Co est chercheuse CNRS au Centre de biologie intégrative de l'Université Paul Sabatier à Toulouse, et dernière autrice de cette étude parue dans PLOS Genetics. Chez ces espèces-là, les yeux sont très importants, et en particulier une population de photorécepteurs. Donc les photorécepteurs, c'est des cellules qui répondent à la lumière. Donc il y en a deux catégories. Il y a des photorécepteurs très classiques qui ont une morphologie très particulière. C'est les cônes et les bâtonnets. Mais ceux-là, ils n'interviennent pas forcément beaucoup dans le rythme circadien. Ceux qui interviennent beaucoup plus, c'est des cellules qu'on appelle les IPRGC, qui sont en fait des neurones classiques. Pas une morphologie de photorécepteurs, et ils expriment des photopigments qui répondent à la lumière bleue, qui s'appellent les mélanopsines. Et donc c'est surtout à travers l'étude de mutants, notamment chez la souris, qu'on sait que ces cellules-là, elles ont un rôle très important. Elles ont un rôle à la fois en intégrant des informations des photorécepteurs classiques, les cônes et les bâtonnets, et aussi à travers l'expression de la mélanopsine. Et pour la petite histoire, c'est pour ça qu'on vous dit souvent de faire attention à la lumière bleue des écrans. En fait, il y a une sensibilité particulière du rythme circadien à la lumière bleue. Ça, c'est pour la souris. Chez les humains, c'est un petit peu plus complexe et moins binaire. Par exemple, on sait que 50% des personnes aveugles ont un trouble de l'horloge biologique, ce qui sous-entend que l'autre moitié non. Mais de manière générale, avoir des yeux fonctionnels est essentiel pour remettre les pendules à l'heure chez les mammifères. Mais qu'en est-il du reste des vertébrés, et en particulier des poissons? C'est ce qu'a voulu approfondir cette étude avec le poisson zèbre, un animal modèle de laboratoire. Pour cela, les scientifiques ont utilisé et créé des mutants, c'est-à-dire des animaux dont certains gènes sont mutés pour rendre l'œil non fonctionnel, pour qu'ils ne transmettent plus la lumière au cerveau. Et en particulier en invalidant ce gène de la mélanopsine exprimée dans la glande pinéale et qui est sensible donc à la lumière bleue. Pour mesurer cette horloge, on pourrait suivre l'expression de certains gènes ou de certaines hormones. Mais il y a un moyen plus simple, regarder si les larves se déplacent. Et oui, si vous vous déplacez, c'est que selon toute vraisemblance, vous ne dormez pas. Donc il suffit de compter leurs pas pour voir cette alternance entre jour et nuit. Et ce qui rend le poisson zèbre intéressant, au-delà d'être un animal diurne, c'est qu'il est facile à étudier. Il suffit de le faire épier par une caméra, de mesurer la locomotion des larves sans yeux fonctionnels et de comparer ces données à celles de larves sans mutation. Et résultat, eh bien, il n'y a pas de différence. Les deux ont les mêmes rythmes circadiens. Eh ben, rien. Elles vont très bien, enfin rien ou presque. En fait, il y a des fonctions très subtiles, en particulier de ces photopigments qui répondent à la lumière bleue dans la pinéale. Et pour induire un retard de phase, donc un retard dans le rythme circadien, il n'y a pas d'effet, l'œil n'est pas important. Par contre, pour faire une avance de phase, il a une petite importance. Donc il y a aussi un petit effet différent en fonction de est-ce que ce qui va se passer, c'est une avance ou un retard dans les rythmes. Mais globalement, il y a des rythmes circadiens qui s'établissent très bien en l'absence d'œil et en l'absence de la sensibilité à la lumière bleue de la pinéale. Chez les êtres vivants, ça soulève le point, hein, qui était quand même déjà assez présent dans la littérature avec d'autres évidences, mais selon peut-être la niche temporelle, c'est-à-dire le fait que l'animal soit diurne ou nocturne, et aussi selon la phylogénie, c'est-à-dire qu'effectivement un poisson et un mammifère, c'est pas exactement la même chose, eh bien il y a des différences dans les circuits qui permettent de contrôler le mécanisme de photo-entraînement. L'horloge circadienne fonctionne donc même sans yeux et sans cellules sensibles à la lumière bleue. Est-ce que ça veut dire pour autant que la lumière n'a aucun rôle dans l'horloge biologique chez les poissons ? Non, parce que contrairement à l'humain, on sait qu'il n'y a pas que les yeux qui peuvent être photosensibles. D'autres cellules sont probablement sensibles aussi à la lumière. Reste à trouver lesquelles et où elles se trouvent pour comprendre comment se met à l'heure cette horloge chez les poissons. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.